Salut, est-ce que tu peux me donner quelques mots? Juste pour savoir pourquoi tu es ici aujourd'hui. Pourquoi je suis ici? Bien, je suis ici pour appuyer. Bien, premièrement, parce que je suis solidaire avec mes amis mexicains qui sont en train de protester contre l'élection frauduleuse de Peña Nieto. Mais aussi, surtout, parce que pour appuyer les Mexicains qui se font déporter à chaque jour depuis plusieurs années déjà par le gouvernement du Canada ici. Donc, je suis très proche de beaucoup de familles qui vivent ce drame-là, qui sont retournées dans un pays où est-ce qu'ils ne peuvent pas se faire une vie, où est-ce qu'il y a la violence, où est-ce qu'il n'y a pas de justice, où est-ce que c'est impossible presque de survivre, de nourrir ses enfants, puis d'avoir accès à des droits sociaux. Puis voilà, je trouve ça dégueulasse. Moi, je viens d'ici, je suis née ici, puis je suis pas du tout d'accord avec ces politiques-là. Je trouve ça inhumain, cruel et puis criminel. Merci beaucoup. De